comme ceux qui ont trop de vérité au bout de leurs lèvres. Je sais que seul mon décès me rendra célèbre. Je suis un poète noir, l'adversité c'est ma sève. J'espère vous dire au revoir avec la main sur le glaive. La main sur le glaive, je suis resté au front. Je n'ai pas vendu ma révolution au plus offrant. Le succès m'a fait du pied, la fortune des clins d'œil. Mais pour cela je devais jeter mon intégrité dans un cercueil. J'ai refusé. Je l'ai fait pour moi, c'est vrai, mais je l'ai fait pour vous aussi. Je l'ai fait pour nous. J'ai fait un choix, j'en connais le coup. Comme tout soldat, en première ligne, je prends des coups. Je suis pas un héros, non. Si vous saviez à quel point pour moi vos espoirs sont lourds à porter, ne m'en demandez pas plus. Lutter m'a épuisé, ne défendez pas l'homme, mais défendez les idées, car je suis pas un héros. J'ai peur face au canon, j'ai choisi une cause et la défends comme Franz Fanon. Je tente de rester brave, qu'on me déteste ou qu'on m'aime. J'ai trouvé cet air grave dans des jardins de chrysanthèmes. Je suis pas un héros, mais je me bats. Je dis tout haut ce que les gens pensent tout bas. Faut pas croire les journaux, ils ne me connaissent pas. Les clichés dans leurs propos ne me reflètent pas. Je suis pas un héros, mais je me bats. Je dis tout haut ce que les gens pensent tout bas. Faut pas croire les journaux, ils ne me connaissent pas. Les clichés dans leurs propos ne me reflètent pas. Je suis pas un héros. Je suis pas un héros. Je suis pas un héros. Je suis pas un héros. Je suis pas un héros. Ils diront que je suis excessif, me décriront comme un personnage impulsif. La vérité c'est que je suis décidé et que je suis prêt à tout perdre en me battant pour mes idées. Dans ce monde où l'ignorance nous a accoutumés aux mensonges, je peux plus m'étonner que dire la vérité les dérange. J'écris à vif, eux me lyncheront de sang-froid pour avoir osé prendre la parole au nom des sans-voix. Sans foi ni loi, ils me taxeront de communautaire, car j'ai pointé du doigt leur démocratie totalitaire. Sensible et sincère, mes écrits sont universels. Quant à leur humanisme, il est seulement circonstanciel. Des blancs m'ont défendu quand certains noirs m'ont sali, des noirs m'ont soutenu. Quand certains blancs m'ont trahi, mes filles sont métisses, car y'a pas de couleur pour aimer. J'ai trouvé cette air triste au jardin des cœurs abîmés. Je suis pas un héros, mais je me bats. Je dis tout haut ce que les gens pensent tout bas. Faut pas croire les journaux, ils ne me connaissent pas. Les clichés dans leurs propos ne me reflètent pas. Je suis pas un héros, mais je me bats. Je dis tout haut ce que les gens pensent tout bas. Faut pas croire les journaux, ils ne me connaissent pas. Les clichés dans leurs propos ne me reflètent pas. Je suis pas un héros. Je suis pas un héros. Je l'ai fait pour moi, c'est vrai, mais je l'ai fait pour vous aussi, je l'ai fait pour nous.